5 blanches. La fracture de Maurice fut parfaitement réduite par le médecin et toute crainte de danger disparut. Seulement, il fallait garder le lit pendant 6 semaines. Ce n'était pas chose facile à faire comprendre à un malade fort impatient de sa nature, et pour qui l'ennui était la pire de toutes les souffrances. Blanche entreprit de faire entendre raison à son cousin. Mais pour en venir à bout, elle jugea les actions plus efficaces que les paroles. Elle s'installa dans l'appartement de Maurice et ne permit point qu'il eût d'autre garde qu'elle, d'autres soins que les siens. Courageuse, active, complaisante, elle semblait se multiplier. Tout se faisait par elle. Jamais rien n'était en retard. Et il y avait dans ses mouvements si peu de prétention et d'embarras qu'on eût pu croire qu'elle s'acquittait de la tâche la plus facile du monde. Maurice aimait les fleurs. Sa chambre devint, par les soins de Blanche, un véritable parterre dont le jardinier, le plus amoureux de son art, n'aurait renié ni l'élégance ni la fraîcheur. Certaines heures de la journée étaient consacrées à la lecture. Et la douce voix de Blanche prêtait au poète favori de Maurice un nouveau charme que jusque-là il n'avait point soupçonné. Après la lecture, Blanche faisait de la musique pour endormir tout doucement son malade, disait-elle. Maurice ne dormait point, ce qui ne l'empêchait pas de se trouver merveilleusement reposé. Mais pour Maurice, la plus agréable des distractions, à en juger par les reproches qu'il ne cessait d'adresser alors à la rapidité du temps, c'était celle qu'il trouvait dans la conversation de sa cousine. Blanche était si naturellement gaie. Elle avait des réparties à la fois si naïves et si fines. Elle racontait si bien ses impressions tristes ou joyeuses. Elle traçait si spirituellement un portrait satirique, sans piquer au-delà de l'épiderme. Maurice voyait avec regret l'approche de la nuit. Il attendait avec impatience le retour du matin. Quand le docteur, après avoir minutieusement examiné l'état de la jambe de Maurice, lui dit un jour « Vous pourrez essayer demain un tour de promenade dans votre chambre. »« Et quoi » s'écria-t-il, « avons-nous donc déjà passé les 6 semaines d'arrêt auxquelles vous m'aviez condamné ?» Quelques jours suffirent au complet rétablissement de Maurice, et tout changea de nouveau dans l'intérieur de la maison. Blanche, dont l'emploi de garde-malade se trouvait supprimé, replaça les poètes sur les rayons de la bibliothèque et fit reporter son piano dans le salon. Elle ne se réserva de ses fonctions que celle de renouveler et d'arroser les fleurs de son cousin. Maurice reprit ses habitudes de promenade. Seulement, il abrégea ses excursions et prolongea les moments que d'ordinaire il consacrait à la société de sa mère et de sa cousine. Sa physionomie, du reste, ne portait aucune trace de chagrin ni de regret. Les 2 années qu'il avait perdues en épreuves étaient comme effacées de son existence. Si l'on parlait de grisette, de bas bleus, de lionne, il haussait les épaules. Quand on lui annonça le mariage de Mademoiselle de Rochebrune, il rit beaucoup à la pensée qu'il avait été sur le point d'avoir une femme gagnée à la course. Enfin, il avait décidément renoncé à sa marotte, et son embarras pour se marier n'était plus que de découvrir une femme simple, modeste, d'une éducation égale à la sienne, de goût sympathique au sien, en un mot, cette fleur vulgaire que jadis il accablait de ses dédains. Un jour, Maurice remarqua pendant le déjeuner que Blanche était triste et rêveuse. Sur l'observation qu'il en fit, elle se leva de table et courut s'enfermer dans sa chambre. « Qu'a donc ma cousine ?» demanda Maurice avec inquiétude à Madame Ginevret, qui se mit à sourire. « Rien d'assez fâcheux pour t'alarmer, » lui répondit-elle. « J'ai fait part ce matin à Blanche d'une lettre d'un de mes plus anciens amis, qui me la demande en mariage pour son fils. Et la chose est assez grave en effet pour lui donner à réfléchir. » À cette révélation, Maurice parut frappé d'une surprise extrême, comme s'il avait été loin de son esprit qu'une pareille circonstance pût jamais se présenter. « Marier ma cousine ? Mais vous n'y songez pas, ma mère. Pourquoi donc, mon fils ? Elle est si jeune. Blanche a 18 ans. 18 ans, c'est pourtant vrai. Oh, mon Dieu, comme le temps passe. Oui, vous avez raison, ma mère. Blanche est d'âge à prendre un maître, un tyran, un époux, comme vous voudrez. Pourquoi ces paroles de mauvais augure, mon fils ? Pourquoi ce ton plein d'amertume que tu mets à les prononcer ? Et ma mère, vous qui êtes la prudence même, comment pouvez-vous avoir confiance dans un mariage ainsi négocié ? Une lettre de votre ami vous demande un consentement qu'une lettre de vous lui portera, et tout sera dit. Mais ne craignez-vous point de livrer l'âme pure et candide, le cœur généreux et dévoué de Blanche, à quelque fat qui la méconnaîtra, qui la rendra malheureuse. Rassure-toi, j'ai eu l'occasion d'étudier le caractère de mon futur neveu. C'est un garçon qui a des qualités solides. Maurice interrompit brusquement cette apologie. Marier ma cousine ? La séparer de nous ? Non, encore une fois, ma mère, cela n'est pas possible. La tête de Maurice était en feu. L'affection qu'il ressentait pour sa cousine avait emprunté de leur relation journalière, paisible et sans incident, le caractère calme de l'amitié. À la première contradiction, elle se manifesta bouillante et impétueuse comme l'amour. Maurice prit la main de sa mère et l'entraîna dans l'appartement de Blanche. L'explication ne fut ni longue ni orageuse. La gaieté reparut sur le visage de la jeune fille. Celui du jeune homme devint radieux. et la mère alla écrire à son vieil ami qu'il eut à faire choix d'une autre femme pour son fils. Dernier roman, Maurice se disait, en montrant avec orgueil blanche, qu'il allaitait une charmante petite fille. J'allais chercher le bonheur bien loin, quand je l'avais là, sous la main.